Eh bien, justement, nous allons parler cinéma avec Léa, car c'est l'heure de la critique. Léa, quel film tu es allée voir ? Alors, quel film je suis allée voir ? Je peux avoir la caméra sur moi ? Ah, la à votre avis ? Star Trek ! Star Trek ! Pantoufles Star Trek ! Les miches du boulanger. Toujours la grande classe. Un calculo. Tu es quelqu'un à la face. Pénalité de 2 minutes, tu sors et tu reviens. Non, bon, j'ai été voir Rogue One, A Star Wars Story. Donc je vais vous en parler. Ah, avec plaisir. Alors, les scénaristes hollywoodiens sont incroyables. Déjà, là où on croyait qu'il n'y avait plus rien à raconter, on réussit à écrire un film de 2 heures qui tient la route à partir de quelques phrases. Les toutes premières phrases du texte déroulant le plus connu du monde, celui d'un nouvel espoir sorti en 1977, une simple phrase qui pitch tout, que je vais vous lire. C'est une époque de guerre civile. À bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base cachée, les rebelles ont remporté leur première victoire sur le maléfique Empire Galactique. Au cours de la bataille, des espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort. Voilà, donc ça, c'est l'ouverture du tout premier film Star Wars, un film devenu culte et même plus, et c'est le résumé avec la fin, bien sûr, de ce nouvel opus. Car oui, on va voir ce film en connaissant la fin. Alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt n'est pas dans la destination, mais bien dans le voyage. À force de quels sacrifices et de quel courage nos héros vont-ils réussir à obtenir ces plans pour détruire l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort ? Je disais donc, les scénaristes sont incroyables et on peut les nommer puisqu'ils sont un peu connus. Chris Waits et Tony Gilroy, ils nous livrent une histoire cohérente là où il n'y avait pas d'histoire. Là où depuis 40 ans, on se contente d'une simple phrase en début de film alors qu'il s'agit maintenant d'une évidence presque indécente. Il s'agit d'informations qu'on ne peut plus ignorer quand on reverra, avec plaisir bien sûr, l'épisode Un Nouvel Espoir. Car le film, malgré sa revendication à raison d'être hors de la saga, s'inscrit parfaitement en préquel à l'épisode 4. On va commencer par les 2 petits bémols, puis je pourrai enfin déclarer ma flamme à Rogue One. Vous voyez, moi aussi, je vous livre la fin de ma chronique. Donc le premier bémol, c'est Forest Whitaker. Donc Forest Whitaker joue dans le film, il est complètement hors de propos. Il cabotine, il réduit en cendres un rôle pourtant clé, un rôle charismatique qui frise à cause de lui le ridicule. Heureusement que les autres comédiens sont excellents, même ceux qui sont décédés en 1994, comme Peter Cushing, qui reprend son rôle 3 décennies plus tard. On n'arrête plus le progrès, et c'est tant mieux. Le second bémol, c'est l'exposition du film, qui est brouillon, lente et surchargée d'informations. On s'y perd, on se lasse et on prend peur. Mais en fait, il s'agit d'une véritable bombe à retardement. Le réalisateur ose tout et dégomme les codes de la saga à grands coups de pied. On pourrait penser que c'est méprisant et une trahison, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit ici d'un film ancré dans notre réalité et dans notre présent. Il vit avec son temps. C'est un film moderne qui parle à la fois aux fans, mais aussi à la nouvelle génération, celle qui se fiche bien de la nostalgie d'une époque qu'ils n'ont jamais connue. À la poubelle donc, les cadres larges, la caméra stable et les transitions tapent à l'œil. Ce film est plus proche de la mise en scène du soldat Ryan que de l'Empire contre-attaque, et c'est exactement ce qu'il fallait pour nous prendre aux tripes. Car oui, nous sommes au cœur d'un film de guerre et d'espionnage sans précédent dans les films de space opéra, avec ses travelling arrière, les soldats courant vers nous, les bombes qui explosent de tous les côtés, les projetant dans le sable et les palmiers qui s'abaissent. Nous sommes au cœur d'une apocalypse maintenant. Jeu de mots. D'une fin du monde. C'est un film d'action, certes, mais qui respire et qui est lisible. Ce qui nous montre bien qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une caméra secouée dans tous les sens et gerbante qui caractérise tellement ce genre de film. La mise en scène atteint des sommets virtuoses quand il s'agit de filmer l'imposant Dark Vador, élu 3e méchant de tous les temps au cinéma, rappelons-le. Son apparition transpire le charisme et frôle même le film d'horreur avant même qu'on le voie véritablement. Et pour ça, en plus du réalisateur, il faut remercier le directeur de la photographie qui offre un travail divin. L'ombre de Vador suffisant à nous faire cesser de respirer. On peut aussi remercier John Williams et la dizaine de notes cultes de la marche impériale. Et bien sûr, 40 ans de terreur et de domination. Il y a donc une véritable identité cinématographique qui se démarque des autres épisodes, mais sans délaisser le fil conducteur, celui qui nous tient à cœur. Dans cette optique de libération des anciennes œuvres, on constate que des choix difficiles ont été faits, quasiment pas de force, avec un grand F majuscule, ni de sabre laser, malheureusement pour les plus jeunes, au profit plutôt d'une thématique chère à l'univers de Star Wars, celle de l'absence de la figure paternelle, thématique qui transcende les sept épisodes et qui prend un nouvel envol dans ce 8e film. A noter aussi que les résistants sont présentés de manière inédite. Ils sont moins naïfs, ils font de l'espionnage, du sabotage et ont même leur lot d'extrémistes prêts à commettre un attentat. C'est complètement nouveau, alors que les précédents opus sont très manichéens avec une idée claire de ce qu'est le bien et le mal. On se retrouve ici sans antagoniste clair, où les méchants ne sont pas la bombe bonté incarnée. On rompt donc définitivement avec la morale enfantine et convenue du retour du Jedi. Un petit mot aussi sur le compositeur Michael Giacchino, le virtuose de sa génération, dont j'ai déjà plusieurs fois parlé dans cette émission, qui a su allier son propre style et son génie à la perfection avec le travail pharaonesque de John Williams qui a posé les bases de la musique de la saga Star Wars. D'ailleurs, cette saga qui s'étend sur des décennies, avec sa solide construction scénaristique où chaque arc a su marquer sa propre génération, n'a jamais aussi bien porté son nom que dans ce film-là. Son nom littéralement, car la traduction de Star Wars, ce n'est pas la traduction française qu'on a depuis le début. Ouais. La traduction de Star Wars, c'est « Les guerres de l'étoile ». Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Ces guerres qu'on a suivies dans les épisodes de 4 à 7, elles prennent leur source dans ce film-là. On voit cette guerre prendre vie avec autant d'impuissance que de fatalité. Cette guerre qui se tient dans un décor inédit à l'univers de Star Wars entre ciel et terre. Le final est grandiose. La dernière demi-heure est un festival auditif et visuel avec des enjeux presque inédits dans un film de guerre, une lisibilité rare dans un film d'action. Ce final est tellement hors de tout moule hollywoodien. Il assume de rompre définitivement avec le film pour enfants. Il est dramatique, bouleversant et terrible, mais plein d'espoir. Et c'est d'ailleurs le tout dernier mot du film, le mot espoir. Alors la seule chose que je puisse vous dire après avoir assisté à ce spectacle, c'est que l'espoir soit avec vous. Wow. Ouais. Bravo. Ta suite dans le livre de Léa sur Star Wars.